I'm longer term. Ayez le même esprit. Car Dieu détruira la sagesse des sages du monde. Il anéantira l'intelligence de nos savants. Corinthiens le dit. La parole vit. Corinthiens écrit. La parole vit. Corinthiens. Tout est permis ici-bas.